Le mercredi 12 avril, ici Dominique Lelièvre et vos informations. La qualité des sources d'eau souterraines de la couronne nord de Québec inquiète. Selon une étude dévoilée en avant-midi par la communauté métropolitaine de Québec, plus de la moitié des puits privés présentent une quantité de sel trop importante. C'est le cas de 56 % des 900 puits analysés, notamment dans les bassins versants des rivières Saint-Charles et Montmorency. Une minorité renferme également d'autres contaminants présents en quantité qui dépasse les normes. Si la situation n'est pas dramatique et si l'eau reste potable, les experts affirment qu'il est temps d'agir. Le maire de Québec, Régis Labeaume, s'est dit préoccupé. Il demande au ministère des Transports d'envisager de nouvelles méthodes pour entretenir les routes durant l'hiver. Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, est prêt, lui aussi, à accueillir des tours imposantes. Il accueille avec enthousiasme les projets de Cominard dans le secteur du carrefour Saint-Romuald, qui prévoit la construction d'un complexe de 200 millions de dollars, incluant une ou des tours d'une quinzaine d'étages. Le promoteur Michel Dallaire se dit même prêt à construire plus haut, mais se garde de dévoiler dans les détails ses plans. Selon ce que rapporte le quotidien Le Soleil, des discussions sont en cours avec la ville de Lévis. L'homme d'affaires perçoit l'entrée de Lévis comme étant dans la continuité de l'axe Laurier, où il pourrait voir, rappelons-le, construire la tour Le Phare de 65 étages. À Québec, la chef de l'opposition, Anne Guérette, dresse un bilan très critique des 10 dernières années au pouvoir du maire Labeaume. Dans une déclaration à saveur préélectorale, la chef de Démocratie Québec a dénoncé de nombreuses décisions qu'elle juge coûteuses. Elle dénonce aussi des volte-face au fil des années. Elle a notamment qualifié de mauvais le projet de service rapide par bus, se questionnant sur le tracé et promettant d'y mettre un frein si elle accède à la mairie en novembre prochain. Enfin, sur la scène nationale, la jeune militante Malala Yousafzai est à Ottawa aujourd'hui, où elle doit recevoir le titre de citoyenne canadienne honoraire. La Pakistanaise de 19 ans sera la sixième personne à recevoir cette distinction, après notamment Nelson Mandela et le Dalai Lama. Malala est connue pour son combat pour les droits des filles à fréquenter l'école. Elle est devenue en 2014 la plus jeune personne à recevoir le prix Nobel de la paix. En visite ce matin dans une école secondaire de l'Ontario, elle a déploré que plus de 130 millions de jeunes filles dans le monde n'aient pas accès à l'éducation. Printemps, été, automne, hiver, météo. C'est nuageux avec 60 % de probabilité d'averse aujourd'hui. Les températures sont stables à 3 degrés. 60 % de probabilité d'averse de pluie également cette nuit. Il fera plus 1 degré. On pourrait même voir quelques flocons de neige si le mercure descend un peu plus bas. Demain jeudi, ça se dégage. Ce sera du soleil en après-midi avec un maximum de 7 degrés. Du soleil vendredi également avec 9 degrés. Présentement à Québec, c'est une faible bruine qui tombe sur nous, on a 3 degrés. Midi Jazz.